Chapitre 15. Pendant qu'Adeline roulait vers Elbeuf, Frédéric, Barthelas et Raphaël tenaient conseil chez celle-ci. Depuis que le Grandier était ouvert, jamais il ne s'était trouvé dans des conditions aussi critiques. Si l'avertissement du préfet « Entriche chez vous » n'annonçait rien de bon, puisqu'il révélait des plaintes certaines, la surveillance de l'agent et les précautions prises pour qu'elle puisse exercer en cachette faisaient toucher du doigt les dangers de la situation. Raphaël, qui n'allait pas au cercle, et par là, ne pouvait avoir aucune responsabilité pour ce qu'il s'y passait, était furieuse contre ses associés, qu'elle accablait de ses reproches et de ses injures. Frédéric, comme Barthelas et Barthelas comme Frédéric, passant de l'un à l'autre, quand elle ne les réunissait pas dans le même sac pour les secouer en les cognant l'un contre l'autre. « Non, vraiment, c'est trop bête. Qu'est-ce que vous fichez dans le cercle, je vous le demande ? Il semble que pour vous, » cela s'adressait à Barthelas, « tout soit dit, que vous avez empêché un prêt douteux de 500 louis, et que pour toi, » ceci s'adressait à Frédéric, « tu n'as qu'à dormir tranquillement dans un fauteuil quand tu as passé la revue de ton personnel et que tu l'as trouvé correct. Et vous êtes du métier ?» Elle haussa les épaules en les toisant avec pitié, puis se tournant vers Barthelas. « Vous dites que vous êtes le malin des malins, » imitant son accent. « Oui, mon bon, vous le dites. Tous les tours qui ont pu se faire, vous les connaissez, et quand un particulier à lunettes opère sous vos yeux, tire à 6, ne tire pas à 4, gagne honteusement, vous trouvez ça tout naturel. » Insolent et fanfaron avec les hommes, Barthelas, taillé en taureau, se laissait facilement intimider par les femmes qui lui tenaient tête, et par Raphaël, plus que par tout autre, si moucheron qu'elle fût, comme il disait d'elle. « Je n'ai pas trouvé ça naturel du tout, » répliqua-t-il. « Non, seulement, au lieu de chercher où il fallait, vous avez remâché toutes les vieilleries de votre honorable carrière, les télégraphistes que vous n'avez pas vus, par cette bonne raison qu'il n'y en avait pas, le filage que vous n'avez pas entendu, puisqu'il ne filait pas, enfin, tout votre répertoire, au lieu de chercher dans le neuf. Ça n'était pas bien difficile à inventer cette petite marque d'aiguille à tricoter donnant juste le point de la carte, et ça n'était pas bien difficile non plus à découvrir, puisque ce policier l'a découverte. » Ce qui redoublait la confusion de Barthelas, c'est que ce que Raphaël lui reprochait était ce qu'il se reprochait lui-même. Comment n'avait-il pas eu l'idée de se servir d'une loupe ? Car il les avait examinées, les cartes avec lesquelles le prince jouait, et comme Dantin, tout d'abord, il n'avait rien vu. Au toucher, il n'avait rien senti. Elle l'abandonna pour se jeter sur Frédéric. « Et toi, tu parles à ce policier, et tu ne vois pas ce qu'il est, négociant à Nantes. » J'ai eu des soupçons. « Et tu les as gardés pour toi ? Tu ne pouvais donc pas l'interroger sur Nantes ? Il n'y a peut-être jamais mis les pieds, il t'aurait répondu des bêtises. » Tu conviendras que ce n'est pas de la chance de tomber sur un agent que personne ne connaît. Il vous aurait fallu un commissaire avec son écharpe. Vous auriez ouvert l'œil, tandis que c'est l'agent qui l'a ouvert. Qu'a-t-il vu ? Interrompit Barthelas. C'est là qu'est la question intéressante. C'est clair ce qu'il a vu. Et la cagnotte ? Continua Barthelas. Il ne t'a rien dit de la cagnotte, ton président ? Demanda Raphaël. Rien. Il n'y a pas fait allusion. Alors c'est que l'agent n'a rien vu de ce côté, dit Raphaël. Pourquoi aurait-il tout vu des autres côtés ? Rien de celui-là, demanda Barthelas. Il a de bons yeux, le coquin. Puisqu'il n'a rien dit. C'est le président qui n'a rien dit à Frédéric, mais l'agent, savons-nous ce qu'il a dit au président ? Puisque le président n'a parlé de rien, répéta Raphaël avec colère. Parce qu'on ne parle pas d'une chose, cela prouve-t-il qu'on ne la connaît pas ? S'est-il gêné pour parler de Julien et de Théodore et pour exiger leur renvoi immédiat ? S'est-il gêné pour renvoyer lui-même Léon ? Julien, Théodore, Léon, qu'est-ce que ça lui fait ? Je vous le demande, hein ? S'écria Barthelas. Tandis que la cagnotte, qu'est-ce qu'elle lui rapporte ? 36 000 beaux francs ! Et vous croyez qu'il va se fâcher avec elle ? Il l'ignore, on ne lui a rien dit, l'agent n'a rien vu. C'est son genre à cet homme d'ignorer ce qu'il ne veut pas savoir. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous le dis, il n'est pas le seul, j'en ai connu plus d'un comme ça. « Il ne s'agit pas des gens que vous avez connus, » interrompit Raphaël, agacé par les histoires de Barthelas. « Il s'agit de notre président. Eh bien, le nôtre a eu les yeux ouverts par l'agent. Et s'il ne parle pas de la cagnotte, c'est qu'il ne lui convient pas d'en parler. Il accepte tacitement, il laisse aller les choses, puisqu'il ne sait rien. Il accepte ? Il a accepté, il me semble, la caisse est là pour le dire. Oui, mais acceptera-t-il maintenant ? Que veux-tu dire ? Demanda Raphaël effrayé. Que j'ai peur. De quoi ? Qu'il ne nous quitte. Il doit 60 000 francs. S'écria Barthelas. Nous le tenons. Il peut les payer. Alors, comment le tenons-nous ? Par quoi ? Qu'a-t-il donc dit ? Rien, répondit Frédéric, mais son air a parlé pour lui. Ce brave homme n'est pas plus fait pour être président de cercle que moi je ne le suis pour être évêque. C'est de force que nous l'avons fourré là-dedans. Je sais le mal que j'ai eu. Il ne pense qu'à s'en aller. Et s'il n'est pas encore parti, c'est parce que nous lui faisions certains avantages qui, dans sa position, lui étaient agréables, et aussi parce qu'il en espérait d'autres qui ne se sont nullement réalisés. Mais ce qui s'est réalisé, ce sont des ennuis et des tourments qui l'épouvantent. Il a peur d'être compromis, et ce qui vient de se passer l'a tout à fait affolé. C'est une terreur qui s'est emparée de lui et qui lui fera commettre toutes les bêtises. Je ne serais pas du tout surpris qu'en ce moment il n'eut pas d'autre idée que de se procurer les 60 000 francs qu'il nous doit pour nous planter là. Alors, que deviendrons-nous ? Les trois associés se regardaient avec stupeur. Personne mieux que moi ne sait combien il est embêtant, continua Frédéric. Combien on a de difficultés à manœuvrer avec lui ? Combien il est gênant ? Mais tout cela n'empêche pas qu'il y a du bon, et que si nous le perdons, nous ne retrouverons jamais son pareil. C'est un paratonnerre, estimé de tout le monde et de tous les mondes, ami du préfet. Tant qu'il nous couvrait, nous n'avions rien à craindre, ni le cercle, ni nous. L'aventure du prince le prouve bien. Il faut convenir qu'en l'inventant, Raphaël a eu la main heureuse. Elle l'eût fabriquée elle-même, qu'elle ne l'eût pas mieux réussi. En tout cas, je l'aurais fait plus solide, de façon à ce qu'il durera plus longtemps. Que ne dira-t-on pas s'il nous lâche ? On cherchera pour quelles raisons il se retire, sans compter qu'il les dira peut-être lui-même, ses raisons. Alors, nous voilà livrés aux mangeurs. Si nous refusons leur service, ils nous poursuivront. Si nous les acceptons, il faudra les payer, et d'un prix combien plus cher que les 36 000 francs que nous donnions au pichotier. Avec lui, nous étions tranquilles, et c'était crânement que je répondais que nous n'avions besoin de personne. Merci, nous avons notre président. Peut-être exagérez-vous les choses, dit Bartelas. 36 000 francs, c'est bon à garder. Mon cher, si vous aviez assisté à notre entretien, vous verriez que je n'exagère rien, et vous seriez aussi inquiet que moi. Après le premier moment de surprise, quand il m'a raconté l'histoire du prince de Hennick, et qu'il a exigé l'expulsion de Julien, de Théodore, sévèrement, comme un juge qui s'adresse à un coupable, je me suis vite remis, et tout de suite, je lui ai longuement expliqué toutes les précautions que nous prendrions, tous les sacrifices que nous nous imposerions pour que de pareilles choses ne puissent pas se renouveler. C'était à peine s'il m'écoutait. Lui qui autrefois eut voulu explication sur explication, il avait l'air de me dire « Vous savez que tout ça m'est indifférent, ce n'est pas pour moi. » Et c'est ce qui a commencé à me donner l'éveil. Si son intention avait été de rester avec nous, il m'eût interrogé au lieu de me fermer la bouche. Mais alors, pourquoi exiger le renvoi de Julien et de Théodore ? Demanda Bartelas, pour faire justice avant de partir. D'ailleurs, vous devez bien penser qu'au premier mot, je ne lui ai pas laissé le temps d'exiger, j'ai pris les devants. Mes pressentiments sont les mêmes que ceux de Frédéric, dit Raphaël. Il doit vouloir se retirer. Que deviendrons-nous ? Il y eut un moment de silence, et ils se regardèrent comme pour chercher, dans les yeux des uns et des autres, les idées qu'ils ne trouvaient pas en eux. Je vais vous dire, s'écria Bartelas, cet homme a trop perdu. S'il avait gagné, il ne demanderait qu'à continuer, mais toujours perdre, je m'imagine que ça dégoûte. Il n'a pas assez perdu, répliqua Raphaël. S'il nous devait 200 000 francs, nous le tiendrions. S'il joue encore, on pourrait les lui faire perdre, dit Frédéric. Moi, je suis pour qu'on les lui fasse gagner, continua Bartelas. D'abord, ça n'appauvrira pas la caisse, qui n'était que trop soulagée par cette canaille de prince, et puis, il n'y a rien qui attache les gens comme le succès, c'est la leçon de la morale. Raphaël et Frédéric n'étaient pas en situation de plaisanter. Cependant, cette leçon de la morale invoquée par ce vieux crocodile de Bartelas, comme il l'appelait entre eux, les fit rire. « Riez, riez !» continua Bartelas. « Je sais ce que je dis, j'ai des exemples. Il y a 7 ans, à Luchon, M. Jules Rameau me devait 50 000 francs, et je commence à comprendre que j'aurais bien du mal à les rattraper jamais. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai passé des séquences sans rien lui dire, avec lesquels il a gagné près de 90 000 francs. L'année d'après, il est revenu. L'année suivante aussi. Il ne voulait plus tailler que chez moi. Et pourtant, il ne s'était rien dit entre nous, mais entre galants gens, on s'entend à demi-mot. Ainsi de notre homme, j'en suis sûr, demain, après-demain, un peu avant qu'il prenne la banque. Prendra-t-il jamais la banque chez nous maintenant ? Laissez-moi supposer qu'il la prendra. Il est donc disposé à la prendre. Alors, je m'approche et je lui dis, sans avoir l'air de rien, « Mon président, vous n'avez pas assez le respect de la benne. Ne vous mettez donc en banque qu'avec Camille pour croupier. Il fait gagner les banquiers. » Et mon Camille, qui n'a pas son pareil, lui passe une belle séquence que j'ai préparée moi-même et qui lui donne 7 ou 8 coups sûrs. Comme il est reconnu que notre président est le plus honnête homme du monde, personne n'ose le soupçonner et il empoche une belle somme qui lui inspire le goût de la chose. S'il n'a pas parlé du bourrage de la cagnotte, il acceptera encore bien mieux les séquences qui lui profiteront personnellement, tandis que la plus grosse part de la cagnotte lui passe devant le nez. Raphaël haussa les épaules par un geste de son enfance faubourienne qui lui était restée. « Savez-vous ce que produira votre discours au président ?» répondit-elle. « C'est qu'il aura de la défiance et ne voudra pas prendre la banque. Ou bien, s'il ne se défie pas, il la prendra naïvement, bêtement et battra les cartes, les fera couper. Voilà votre belle séquence brouillée. Et il perd. » Barthelas ne se fâcha pas de ses objections. « Je ne dis pas qu'il ne serait pas plus commode de lui mettre tout simplement la séquence dans la main, en lui disant de jouer les cartes dans l'ordre où elles sont rangées. Mais il ne serait pas le premier à qui l'on imposerait une séquence sans qu'il se doute de rien, quitte à le prévenir délicatement une fois la chose faite, à seule fin de lui inspirer de la reconnaissance. « Et comment ?» demanda Raphaël, qui pour le jeu n'avait ni la sens ni les roueries de Barthelas. « Tout simplement en lui faisant prendre une suite. Nous mettons en banque le baron ou Salzmann et nous leur passons la séquence. » Ils ne la brouilleront pas, eux, n'est-ce pas? Mais après 2 ou 3 coups, ils l'abandonneront. Et nous manœuvrerons pour que le président prenne leur suite. C'est lui qui joue les cartes que le baron Salzmann vienne de laisser, et sans que personne puisse soupçonner un homme dans sa position, il fait une rafle qui nous le livre. Pour cela, il faut qu'il taille encore chez nous, dit Frédéric. Et taillera-t-il? Là est la question.